Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Fou édition complète pour la semaine du 14 au 20 octobre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Non, tu t'appelles Matt. Matt, et toi tu t'appelles Steph, ou encore M et S. M-N-S. M-T-S. Ah. Mon nom de famille, c'est Tousignan en plante. C'est bizarre si on met les initiales des noms de famille, hein, M-T-S. Ben... Ouais. Ça commence mal, ça. Hey, on recommence. Bienvenue au Palmarès Fou. Matt est mon nom. Moi, c'est Steph, mon surnom. Voilà. Alors, on va passer 3 heures ensemble pour l'édition complète des Palmarès C'est Fou. On va donc savoir d'ici la fin de l'émission si notre numéro 1 anglophone est toujours Royal Canoe et Bathtubs. Et de côté francophone, est-ce que c'est encore Petit Pain de Panache? J'espère, c'est bon du pain. Oui. Oui, c'est Tartinon, Tartinon la planète, comme disait le... Ça, c'était Taquinon la planète. Qui c'est drôle, ça? Des sans limite, Bleu Poudre. Ah, les Bleu Poudres. Bleu Poudre. Exactement. Donc, d'ici aussi la fin de l'émission, on va avoir des petits segments cocasses pour vous, dont C'était fou. Les essais classiques d'assemblage requis ailleurs dans les palmarès, pas quelque chose comme ça. Donc, on va avoir bien du fun. T'es très humble, je trouve. C'est beaucoup plus que cocasse, là. En tout cas, des instants fou. Classiques. Ah, OK, ouais, ça semblait aussi. C'était fou, c'est juste musical. Ça. Mais ouais, c'était pas cocasse du tout. Ça, c'était juste pas du tout. Ailleurs dans les palmarès, c'est juste plate. C'est informatif. Et voilà. On a des chroniques d'information, des chroniques humoristiques, un peu quelque chose comme ça pour vous. Mais pour l'instant, on va débuter avec le premier segment de l'émission. C'est celui qui porte sur les nouvelles entrées. Donc voici les Palmarès C'est Fou, édition New Shit. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou, édition New Shit pour la semaine du 14 au 20 octobre 2013. Elle, là, juste devant moi, c'est Stéphanie Paradis. Et toi, je crois, Mathieu, que tu es Mathieu Blanc. Ça reste à confirmer, je vais aller voir mes sources, mettre mon trench coat. Tes sources, c'est ton baptistère, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, dans cette première heure de New Shit, on va avoir quelques nouvelles entrées, bien sûr, à se procurer, hein, tous ensemble, se télécharger ça en quelque part dans les oreilles. Donc, on va avoir tout à l'heure Ockerville River, Dinosaur Bones, Astra, ainsi que Set the Whale en anglophone. Mais on commence du côté francophone avec la 20e place qui est Supernova de Bradycardie. Blablabla. Il y a beaucoup trop de syllabes. Syllabres, pardon. Force-toi, là. Je m'excuse. On parle bien de ta radio, là. À chaque fois j'entends ton nom, l'univers en expansion me ramène à l'horizon. Une pile sur ma tête me ramène à cette quête dont moi je vois apparaître. Une pile sur ma tête me ramène à cette quête que le début de cette vague. Présage de bonne fortune. Alors 20 nouvelles entrées. Gentlemen, I try to always be a better friend. Lately I've been feeling half a man. Like maybe I should be more who I am. Maybe I should fuck something up good. Or maybe I should act like someone mad. Try to live my life like David does. But something always feels just slightly off. I'm young and maybe that's why they see me. They seem like opportunities to test my reach. L'entrée de Seth Whale, c'était Mother sur l'album Hawaii. Et tout juste avant, trop des francophones, c'était Supernova de Bradycardie. Mm-hmm. Retour en fait pour Bradycardie, formation locale qu'on aime beaucoup. Mais Seth Whale, deuxième extrait de leur album, le premier étant I Love You. Et le succès de l'automne, si on veut. Hein, le succès de l'automne. Ben pour moi. Oui, oui. C'est un succès relatif. Assez fou, le succès est relatif. Dans nos cœurs. C'est ça, c'est comme une formule mathématique de la relativité. C'est pas mathématique, pour toi, de la relativité, c'est comme plus une théorie. Mais c'est pas une théorie, en fait. Mais c'est une théorie, c'est une théorie. Ben, dans le fond, tu dis ça, mais t'as aucune idée. Aucune idée de quoi je parle, mais ça, c'est pas mal fréquent. On va rester avec Seth Whale. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. C'était bon? Baleine. Ah, une baleine. C'est assez. C'est assez. D'accord, merci. Il nous reste encore trois nouvelles entrées, donc on va entendre plus tard Huckleberry River et Dinosaur Bones, mais on débute en 19e. Et c'est Painful Like de Ostra. Ben, c'est comme genre, tu veux dire comme genre, like, you know, like. Like, je like. Je comprends pas toujours ton baragouinage. Like, ça veut dire comme. C'est comme en français quand tu dis. C'est comme, tu sais, en anglais, tu dirais it's like, you know, it's like. Des blagues anglophones, ça marche pas à Trois-Rivières. J'étudie en français, hein, c'est peut-être ça. Yeah. nouvelle entrée. Swept me like a tidal wave. I fill this hardwood floor and into the bed I made. But then my eyes roll back, looking for a place to go, fighting off a heart attack, fever like I can't control. I thought I saw my God through frames of total blood at some Hampton Beach club, and half convinced he had the things I thought about it. Hey Richie, it's your dad. I've gone so far away now, kid. From coast to coast and far beyond, the waves rose up like gas out on the astral sea. Starships shifting in the crust. I don't believe that stuff on your TV. Not gonna leave, I can't come back. The pizza car. Little Pierre's suicide car sends a strange sharp child to a laughing star. At first it seemed a little speck, and then it seemed a little mess. We took our drinks out to the deck. We watched that silver light of twin. We flew over the hills to the harbor bar. Over the wake with flashing spray. We watched it shrink, that jaguar. And watched our old friends fall away. Suicide Car de la formation Huckleberry. Je me suis trompé, là. Je ne l'ai pas dit comme faux. C'est pas évident. Non, c'est ça. Sois contente de ne pas avoir à le dire. Huckleberry River, c'est en 17e place anglophone. Avancé en 18e. C'était Sleep Stick de Dinosaur Bones. Et on a débuté avec Astra et Painful Like. Verdict sur les nouvelles entrées. On a aussi entendu Brady Cardi et Set the Well. Évidemment, moi, ma préférée, c'est Set the Well, bien sûr. J'ai aussi bien aimé la petite découverte de la deuxième pièce de Dinosaur Bones. Ben, moi, je te dirais que quand la toune de Huckleberry River parle, je te dirais que j'haïs pas ça. Ouais, ben, moi, je trouve qu'elle prend le tiers à embarquer. Mais une fois qu'elle embarque, c'est bon. Mais c'est deux feelings différents dans cette pièce-là. Mmh. Là. Mais encore. Ah non, c'est tout. C'est tout. T'as bien raison. C'est deux feelings différents. À vous de décider quel feeling ça vous donne. Brady Cardi, formation locale, on les aime, on les a déjà dit tantôt. Et Ostra, ben c'est du Ostra. Ça sonne tout le temps pareil, mais c'est bon, maudit. C'est ça, ça pas choix. Bon. Comment on a accueilli combien de pièces? 5 nouvelles entrées cette semaine. Faut dire au revoir aux 5 qui nous ont quittés. Et comment on fait ça? On parle rest in peace! Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Il y a des pièges, on se poursuit dans cette vie. C'est ça, des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 7 au 13 octobre 2013. On a donc dit au revoir à Félix-Antoine Couturier avec la pièce Dans cette vie qui est restée 7 semaines. Inacceptable, non. Austria avec Home qui a duré 8 semaines. Ensuite, Dinosaur Bones et la pièce Nothing Left Between the Lines qui est restée 7 semaines. Rara avec Twenties qui nous quitte après 7 semaines. Non! Et finalement, Set the Whale et la pièce I Love You qui est restée 9 semaines. Aïe aïe! Ça fait mal, là, ce coup-ci. Ça a vraiment fait mal, cette fois-là. Je sais pas si je vais survivre. Il va falloir continuer de les jouer. On peut pas perdre ces chansons-là de vue. Là. Donc, on déchire notre palmarès aujourd'hui et on remet toutes ces pièces-là. Si j'avais des feuilles additionnelles, j'aurais pu faire semblant de déchirer, mais là, je veux pas déchirer mes feuilles. Attends un peu, je pourrais peut-être essayer avec une napkin. OK, vas-y. Oh, délicieux! Un Kleenex. Juste pour voir. Prends un Kleenex juste pour voir si ça déchire. Ah, un Kleenex. OK, on essaye un Kleenex. OK, attention. Oh! Hein, ça sonne bien. Différent, quand maintenant, même. Avec ma brassière. Non, voilà, ça fait. Donc, toujours pas mal assez fou, on vient de quitter, de se faire quitter, en fait. On s'est fait mettre à la porte par ces belles petites pièces. 5 pièces qui nous quittent. On fait ça chaque semaine, par Rest in Peace, au Palmarès C'est fou. Maintenant, ben on est-ce qu'on a dit par-dessus quoi on sautait en francophone les 19, 18 et 17? Je sais pas si on les a dit. Ben non, on l'a pas non, dit. Disons-le. OK, donc on saute par-dessus les positions 19 à 17. Donc en 19e place, on saute par-dessus Femme de La Couleur. En 18e, Ses bottes sont faites pour marcher de Michelot. Et finalement en 17e, Une année de travail de La Question. On va se rendre au 16e place du côté anglophone, c'est San Cisco et Awkward qui descend de 8 places. Mais tout juste avant, on va écouter la 16e place francophone qui est Princesse Carnivore de Violette Pie.

San Francisco et Awkward descendent de 8 places en 16e anglophone. Au moins, ils m'ont pas enlevé celle-là en même temps que les autres. Ben là, à un moment donné, il faut toujours battre des limites, là. Hein? Ouais. Et du côté francophone, tout juste avant, c'était Princesse Carnivore de Violet P. Ouais. On se fait justement, comme tu disais, violer en se faisant enlever autant de pièces en même temps dans une même semaine. Oui. Avec ce qu'on entend tantôt dans Fun Recipes. Comme s'il y avait des intrus. Dans mon... Chercher l'intrus, c'est comme quand il fallait... Si t'avais une sœur jumelle, on pourrait vous comparer et trouver les intrus. Trouver l'erreur. Trouver l'erreur. Est-ce que tu serais la bonne ou la mauvaise jumelle? Tu veux dire la copie ou la bad girl? La ouais. Version... Ouais. Ah, je serais clairement la méchante des deux. Mm-hmm. Ouais. Oh, ouais. Si j'avais un choix à faire. Fait que dans le fond, t'es pas méchante en ce moment. Fait quand je te trouve méchante, c'est juste dans le fond... Non, mais là, je suis le mélange des deux. Okay. Mais là, faudrait comme nous séparer. Moi, c'est clair que je choisirais la méchante. Parfait, ça. C'est bien plus le fun, je veux dire. Tant qu'à ça, on va avoir du fun. On n'a qu'une vie à vivre. YOLO! YOLO! You know what I'm saying. On sort par-dessus les 15e places du côté anglophone. C'est The Cal Empire et Brighter Than Gold qui descendent de 10. Et du côté francophone, on saute par-dessus Ta Cadence de Navarre qui est remontée de 2 places. Non, hein, ça oscille. Comment on dit? Oscille. Ça oscille. C'est un beau mot, hein? Oui. Je me sens pas assez de ces mots-là. J'ai pourtant ça dans mon vocabulaire, dans mon dictionnaire. Mais c'est que, généralement, c'est dans notre vocabulaire passif. Là, on comprend ces mots-là, mais on n'a jamais vraiment l'occasion de les placer. Donc, quand on le peut, on le veut. Profitons-en. Oui, c'est ça. Je le veux. Oui, je le veux. Donc, en 14e place, du côté anglo, suivra MGMT et Your Life is a Lie, qui descend pas mal parce que ça avait monté directement au numéro 1 et ça a redescendu en seulement 4 semaines. Ça a passé un bout de temps au numéro 1 puis ça redescend dans presque le fond. T'sais. Oh, dommage. Et du côté francophone, on va écouter La fièvre des fleurs de Claude Pelgag qui a descendu de 7 places. C'est au pabarais, c'est fou. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie, mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connue en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une tresse dans ses cheveux blancs. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu portes un nom de fleur qu'on apprend par le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu ressembles de plus en plus à quelqu'un que je connais pas. Elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie. Let's stand up, let's stand up. Elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie. Do 14. Here's the key to open your eyes. Your life is a lie. Don't say a word, I'll tell you why. You're living a lie. Your life is a lie. But you deny you ever lied. Wondering why. Barely alive. Count your friends on your hands. Now look again. They're not your friends. Hold your breath. Everyone left. No surprise. Living a lie. Tell your wife. This is your life. Your life is a lie. This is your wife. Now she knows. She understands. Her life is a lie. Nobody wins. Try not to cry. You will survive. Lessons in life, your life is a lie. Now there's no time, wondering why. Where in the world is that girl who knows it's alright to live a life? Waiting to die, not knowing that your life is a lie. Wondering why nobody writes. Hollow inside, bitter delight. Fire and ice. Your life is a lie. Your life is a lie. Your life is a lie. Your life is a lie. On your own, one more time. Your life is a lie. L'AGE UQTR est fier de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. Amour d'amour, étais-tu? Amour d'amour, je l'ai toujours su. Amour d'amour, je t'ai toujours trouvé à mon goût. Tu es folle et je suis fou. Viens te coller dans mon cou. Amour d'amour, c'est jusqu'au bout. Je te donne, je te donne, je te donne mon pouls. Amour d'amour, qu'est-ce que tu dirais? Amour d'amour, si on s'unissait. Amour d'amour, le vrai de vrai. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Amour d'amour, étais-tu? Amour d'amour, je l'ai toujours su. Je rêvais tant de toucher ta peau. On n'était pas mûrs, on n'était pas durs. Amour d'amour, j'étais tant attendu. Des rires, des pleurs, des chihuahuas, des fleurs. J'avais toutes les chances d'attraper ton cœur. Amour d'amour, qu'est-ce que tu dirais? Amour d'amour, si on s'unissait. Amour d'amour, le vrai de vrai. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Amour à jamais, amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. La écoute, me fixe de son regard éternel. Ma reine à mon cou, des étoiles dans le garde-fou, ta voix résonne jusqu'au ciel, au ciel. Celle-là, quand je dis genre, c'est la chanson d'un couple qui s'en va à la plage, là, puis ça dit t'as-tu m'appelle, t'as-tu m'appelle, pour faire des chants tout ça. Ouais. C'est, l'as-tu déjà fait, ça? Non. Des fois, je m'en rappelle plus, t'sais. Ben écoute, moi, ça me dit rien. Peut-être bon. Que je t'écoutais pas. Ça peut, ça. On vient d'entendre notre ami Sonny Duval et J'aime quand tu m'appelles mon amour en 13e position francophone. Avant ça, en 13e anglophone, c'était Baja Bulat et Promise Not to Think About Love qui est stable. Avant ça, c'était une pièce bonus de Sonny Duval, Amour d'amour. Vétéran des Palmarès. Parce qu'on l'aime tellement. Qu'il fallait en jouer deux, évidemment. Et on a débuté avec les 14e positions. Oui, donc du côté anglophone, c'était Your Life is a Lie de MGMT. Et finalement, du côté francophone, La fièvre des fleurs de Claude Pelgag. Ça n'a pas paru, mais c'est un bloc de 5 pièces. Ça n'a pas paru, c'est des courtes pièces quand même. Une chance pour nous autres. Ben oui, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait passé 20 minutes sans se parler. Hein? On s'ennuyait. C'est ça. Donc maintenant, il nous reste les 12e places à entendre dans cette portion New Shit des Palmarès. C'est fou. En anglophone, ce sera MSMR, Miss Mister, qui monte de 7 places avec Think of You. Mais du côté francophone, juste avant, on va entendre Tennessee de Lila Dissa. Et ça a descendu de 2 places. C'est la bonne ou c'est la bonne? Cool. le noir et le blanc dans les bords de ciment. Et je peux tout voir le soir plus tard, réduire en poussière et sourire à pleines dents. Pourtant je suis le noir et le blanc dans les bords de ciment. Et je peux tout voir le soir plus tard. We caught as your crutch, like some sip of potion. I was addicted to your touch. Carried away the misplaced rage and the burden of hate, the decadence of decay. Miss Mystery, Think of You. 12e place anglophone, ça monte de 7. Et du côté francophone, c'était Tennessee de Lila Dissa. Mm-hmm. On saute par-dessus les 11e places en anglophone, c'est Caveman et In the City. Et tant pis pour nous, de Bravo Funken. Mm-hmm. Et c'est la fin de cette portion New Shit des Palmarès, c'est fou! Oh, oh! Déjà? Oui, on se retrouve soit dans quelques minutes pour les gens qui nous écoutent le jeudi et le dimanche, sinon demain pour les gens qui écoutent la version quotidienne, les lundis, mardis, mercredis entre 17h et 18h. Ben, en fait, ceux qui nous écoutent, là, c'est sûr que ça va être mardi. Mercredi, mais ça sera pas la deuxième. Non, ça va être le oui, bon point. Point, c'est bye. Ouais, c'est ça. Et autre. 89.1. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou, édition top 10 pour la semaine du 14 au 20 octobre 2013. Elle, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plombe. Merci, merci bien. C'était pas un compliment. Ah, j'avoue, quand tu regardes ça comme ça, c'est plus insultant, finalement. Hein? Ben là, je dirais pas jusque-là. Donc, portion top 10, on va entendre les positions 10 à 6, bien sûr, des Palmarès C'est fou. Et on va commencer, avant de dire qu'on va commencer, tantôt, il va aussi y avoir les instants classiques d'assemblage requis. À ne pas rater. Ben non. Important de souligner. C'est ça. Au gros marqueur jaune. Voilà. Malgré que le rose est bien beau. Il y a ça. Donc, en 10e anglophone, il y aura Nico Case qui descend de 3 places avec The Man. Et du côté francophone, ça, c'est un monté de 10 places. Et c'est Nos corps de Jimmy Hunt. Oh, j'ai aimé le mouvement de bras et de mains. Le corps. C'est juste plate. Non, finalement, c'est correct. Ça soit juste toi qui m'as vu. OK. Ouais. Tu viens de dire que ça montait en plus. Fait... Quoi? Hein? De 10 places. Les mines ne marchent pas à la radio, c'est vrai. J'oublie tout le temps. Mm-hmm. see directly. And if some dipshit drunk on the pink perfume, then I am the man in the fucking moon. Cause you didn't know what a man was until I saw you. Nico Case et The Man, c'est la position numéro 10 du côté anglophone. Et du côté francophone, c'était Jimmy Hunt et la pièce No Car. Oui, Jimmy Lafasse. You know? Là, ouais. Non. Jimmy, c'est quoi en français, Jimmy, mettons? Jimmy en français? Faudrait-tu le traduire? Où est-ce que Jimmy quelque chose, mettons? Là, c'est? Jimmy. Jimmy? Ok, Jimmy. Donc Jimmy Chasse. Oui, Jimmy Chasse. Jimmy comme... Gémir. Le verbe gémir, exactement. Alors, on parlait d'un 5 à 7, tu sais, qu'on s'organise comme ça dans la vie. Tu sais, des fois, il y a des gens qui organisent des 5 à 7. T'sais. Fait que là, bon, on faisait la blague, évidemment, la blague évidente de 5 cassettes. Tu sais, il y a même une chanson qui s'appelle 5 à 7 par le groupe Pace Play, qui est très bonne en passant. Et là, je me disais, pour faire plus original à la place, tu devrais prendre 5 fois Sylvain Cossette. Tu sais, 5 cassettes. Tu sais, ou encore de mettre différent à Sylvain Cossette. Sur chacune des cassettes, t'aurais 5 cassettes de 5 cassettes, you know? C'est pas un peu compliqué pour rien. C'est drôle. OK. Pour ce numéro 9, en anglophone, c'est The Pack 80 et Battering Ram qui monte de 6 places. Et c'est stable du côté francophone, c'est l'art pour l'art de Midi Cayenne Club. Puis l'autre, elle monte de 5, je sens pas ça. 5 places. Même, là. Placé subtilement. Saucissement? Saucisse. C'est une guitare, je sais pas si je crois à l'art pour l'art. Parce que j'ai honte de notre monde. Parce que je voudrais le guérir avant d'en mourir. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas où commencer. Pour faire renaître les rires, pour couper les barbelés. Et faire sortir de l'enfer ces fillettes prises à mendier. Je suis aux prises avec ma carrière, je suis un idiot en dimanche. Yeah! C'est de la formation de Pack 80. Ça monte de 5 places en 9e anglophone. Et du côté francophone, c'était Mehdi Kayan Club avec L'Art pour l'Art. Ben, de l'art pour de l'art, le taux de change est pas mal stable. Hein? L'art pour l'art, c'est 1 pour 1. C'est comme changer une pièce pour 30 sous. C'est ça. Non, c'est l'inverse. 30 sous pour une pièce. Si y a 30 sous, ça n'existe plus, ça. Oh, c'est une belle expression. Les pièces non plus. Hey, les gens sont pas à jour, hein? Comment ça, les pièces? Les piastres, ça n'existe plus. C'est l'ancienne monnaie qui allait avec les sous. C'est rendu des dollars maintenant, voyons. Hein? Ah, tu dis tellement n'importe quoi! Non, c'est vrai! J'ai appris ça en histoire. Piastre et sous, ça allait ensemble, c'est l'ancienne monnaie. Là. Ben non. Ben oui. Non. Ben oui. Non? Même un sou, ça existe même pas. Ça jamais existé? Un sou, non. Non? Ben pas un sou. En tout cas, ça existe pas, un sou. Ça expliquerait peut-être pourquoi j'ai poché mon cours d'histoire. Hein? T'étais où, toi? J'étais pas tout à fait là, mentalement. Comme pas mal quand j'en ai assez fou. Hein? Pas tout à fait là, mentalement, mais je fais des jokes qui ont juste aucun sens, mais. En tout cas. Et voilà! Et voilà! Wow! Position numéro 8 du côté anglophone, c'est The Dang. Ça monte de 2 places. La pièce s'appelle Experimental Fiction. Et du côté francophone, ça montait de 6. Yay! C'est El Motor avec l'homme éléphant. Yay! C'est pas mal assez fou édition. Top 10. 10. On est droit, regarde. Sous 10 cents. Cents. Come La pièce Experimental Fiction par The Danks descend, monte de deux places en huitième anglo. Oui, ça monte. Et en huitième franco, c'était L'homme éléphant de El Motor. Ça monte-tu ou ça monte pas, ça? Ça a monté de 6 places, mon cher. Comme une trompe! Ça a monté de 6 places, mon cher. C'est le fun de dire ça. C'est le fun de parler de même. Oui, ça nous donne un petit oomph de salon de quilles. Un oomph, j'aime ça. Donc, tiens, on va être rendu aux positions numéro 7. Mais plus tard dans l'émission, il y aura aussi les instants classiques d'assemblage requis. Mais j'espère que ça s'en vient, j'ai ça hâte. S'en vient après la demi de cette heure. Oh. C'est bien ça? OK. Ça fait que ça va être après la moitié de l'émission complète. Oui, et aussi après la moitié de l'émission incomplète d'une heure de la semaine. Les deux. Ouh. Ça va être au milieu de tout. C'est comme le nombril de tout. Comme dirait Danny Janvier, le nombril de la semaine, mais pas vraiment. C'est beaucoup trop de fractions, là. Oui, c'est ça. On pourrait faire des tiers. C'est bien plus facile. Des tourtières. Oh! Wow, ça amène tout le temps nulle part, c'est le fun. Septième position anglophone, c'est Paper Maps et The Hedonist qui montent de deux places. Et du côté francophone, c'est J'aime ça de Hand Claps. T'aimes ça de la sorcière? Ben oui, du ketchup. Moutarde, les deux. Moutarde? Moitié-moitié ou des tiers. Y'a personne qui met de moutarde, c'est la tourtière. Des tiers, tu mets de la relish à la troisième. Yeah. Don't be a victim of your own ego. You can learn a lot from Paper Maps et The Hedonist. C'est la position numéro 7, ça monte de deux places. Et ce côté francophone, c'était J'aime ça de les Handlaps. Ouais, ça commence à faire un petit bout. Là, tantôt, on a parlé de piastres et de sous. On avait sauté par-dessus l'explication un peu dans notre précédente intervention. Donc, on voulait mettre ça au clair. Parce que là, moi, j'avais avancé la théorie parce que j'avais appris dans mes cours d'histoire que sous et piastres, c'était les anciennes versions du dollar et de la cent. En fait, je crois que c'était seulement les anciennes appellations. C'est exact. C'était du familier, un usage ancien selon lequel d'autres devises nommées en dollar, nommées dollar en anglais recevaient en français le nom de piastres. À l'époque, c'est la traduction de dollar. La piastre, d'ailleurs, au Québec, qui valait 120 sous. Donc, l'expression 4,30 sous pour une piastre dont on a parlé, ça vient du fait qu'à l'époque, on pouvait diviser le dollar en 4 tranches de 30 sous. Donc, il y avait 120 sous dans une piastre. Et voilà. Donc, 127 dans un dollar, qui était dans le fond les vrais noms quand même de l'argent. Et le sou, dans le fond, représente tout ce qui est pièce de monnaie. Donc, peu importe la monnaie courante, que ce soit la livre ou peu importe. Donc, si on dit 25 sous, ça pourrait être 25 pièces de monnaie. D'un cent. De différentes valeurs. C'est exact. C'est le fun, ça va. Et voilà. On apprend des choses avec Wikipédia, man. On s'instruit. Oui, 5 struits. 5 truits. 5 tosseurs strudel. 5 struits. C'était des struits. Moi, des struits. Des struits. Struidel. OK. Je pense que c'est assez pour ça. C'est pas mal. Je pense que oui, hein. On va passer aux 6e position. Du côté anglophone, ce sera Imagineering Cities et Sooner or Later qui est stable. Oh, Sooner or Later. Et du côté francophone, c'est stable. C'est Accident Char de Mimi Van Der Glo. Sooner or Later. Oh, c'est pas pareil, c'est Fooner. Merci. Oh. Tel qu'on s'est rencontré, on s'est embrassé. Avoir que nos deux mains se touchent et qu'elle ne fasse plus qu'une seule et même entité forte, soudée par le choc. Un peu plus, c'est là qu'on explose. Un peu plus, et puis c'est drôle, les neiges, la vitre, la carrosserie, des clins, la vis, ça sent la gasoline. Comme si GM avait créé une ligne de parfum bon marché, destinée à ce qu'on s'aime, comme un accident de char, comme un accident de char, comme un accident. We'll be right back. CFOU 89.1. Six. Imaginary Cities, c'est la position numéro 6, stable en anglophone. C'est aussi stable du côté francophone et c'était Accident de char de Mimi van der Glo. Uh-huh. Avant de continuer avec plus de bonne musique de palmarès, allons-y avec de bonnes blagues. Hein? Ouh! Ouh! Ça s'annonce chaud! Et humide. Oui, un peu mouillé en fait. Ouais, comme des pétards mouillés, tu sais. Ouais, c'est ça. Un pétard mouillé, c'est une belle fille en wet t-shirt, hein, ça. C'est un pétard mouillé. Oh, écoute, vas-y comme tu le sens. Voici un instant classique. Tu es un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 14 octobre 2013. 7 films à regarder pendant la semaine de travaux et d'études qui s'en vient la semaine prochaine, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Qui suivra la semaine d'examen, hein, je pense que c'est cette semaine. Ça, et ensuite la semaine des 4 jeudis, donc oui. Quand même. On est bien timé là-dedans. Il va être venu le moment de dévaler la pente, un peu comme un voleur déroberait un magasin. Est-ce qu'on peut dérober une pente comme d'en partir avec puis l'amener quelque part? Hein? Mmh. Ce serait plus le fun, comme ça j'aurais pas besoin de sortir dehors, je pourrais juste rester dedans. Puis... Effectivement, ce serait super agréable. Il n'y a pas de lianes au Québec. Non, malheureusement, c'est cool les lianes. Je veux bien que quand c'est vraiment une grosse végétation fournie touffue, puis on veut passer au travers, il faut chopper à la machette, mais on n'a pas ça ici. Pas ça, on n'a pas de lianes, on a des lilianes par contre. Oui. Fait que si jamais vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Liliane, machette-moi ça. Machette-moi ça. Panique parce que ben c'est bien le fun avec une bouteille de vin ou deux ou trois, là, parce que le film est quand même long, tu sais. T'es calme, tu sais. T'es calme. Oui, décapsules ta bière DiCaprio. Il y a une bière qui s'appelle Titanic. Pendant le petit film Titanic. Bon, après ça... Avec une fille sur le divan qui s'appelle la Titanic, là, tu sais. La petite Annick. La Titanic. C'est drôle, ça. Magicien d'Oz, le vrai film avec Judy Garland. Garland, qu'au Québec, on appelle Judy Garland. T'es fort, ces jeux de mots, aujourd'hui. Tu es embrayé à quatrième vitesse, Mathieu. Un vrai film qui était une action. Tornade. Oh. Twister, en anglais. Je pensais te dire un film d'action, Wall Street avec Tom Cruise. Il y a des actions dedans. Film d'action. Mais c'est bon. Wow. Parenthèse sur la pub de Colette Ensemble. Je les adore, les filles de Colette Ensemble. Elles sont vraiment fun. Leur pub est très, très bonne. Ça dit genre... pour savoir comment mieux naître. T'sais. Oui. J'aime l'émission dont le public cible, c'est les enfants qui sont pas encore nés. Oui. Tu mets la radio sur ton ventre. Ben oui, mais écoute, ils disent, hein, il faut les prendre très, très jeunes. Il faut les habituer très jeunes à des bonnes habitudes. Écoutez, c'est fou, c'est une bonne habitude de vie. On s'est préparé une petite chronique à l'improviste, tu manges mon cœur, OK? Oui, mais ça va être crispement bon. Hey, Colin, JP, DG, directeur général. Oh, wow. Attention à ce que tu dis. Fou. Hey. Mon Dieu. J'étais convaincu, là. J'étais convaincu. T'étais en ronde? Oui. Pourtant, je m'entends. Ouais, hein? Une chanson que je ne peux ne pas entendre, que je ne peux pas ne pas entendre. Tu peux pas ne pas. Double negation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de chance en studio? Je regarde des anciennes co-animatrices à moi. Je sais pas si vous vous rappelez la maison de Stéphanie Gagné. Elle a un chat en studio. Oh, en écoutant The Cat Empire. Oui. OK, je l'aime cette chanson. Oui, ben là, t'as évité le sujet. J'ai dit un chat en studio. Pourquoi qu'on n'a pas ça? Mm-hmm. T'as pas vraiment répondu à ma question. On a besoin d'une mascotte. Dendrophilie, c'est la préférence des arbres comme partenaire sexuel au lieu d'un humain. Ouais, c'est ça. Les hommes troncs. T'as pas fait. La capsule Zone Campus est présentée par... Non, tu sais, quelque chose de commandite, là. Tu sais, à la fin des bulletins de nouvelles dans les autres radios, c'est tellement mauvais. Halls. Oui, c'est rempli de petits jus pour votre gorge. C'est un Halls You Can Eat. Oh! Oh! Je pensais pas que t'allais en sortir une drôle le matin. Hey. Merci, Mathieu. La confiance. Oui. Travail d'équipe. En kiosque du 15 au 28 octobre 2013. Toc-toc. Entrée. Oh, toc-toc qui est là. Zone qui? Zone campus. Zone puis campus s'en monte en bateau. Zone ton ballot qui reste. Campus! Oui! Il est pas dire bonne fête? Oh, c'est vrai! Oh! Colin! Bonne fête, Pipo! Non, j'ai pas de Pipo. C'est Sushi. OK, on recommence. 1, 2, 3, 4. Bonne fête, Sushi. Bonne fête, Sushi, avec du riz tout le tour, puis du petit poisson dedans qui fait blou blou, puis du gingembre. Qui donc dans 5 secondes, attention. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Yeah. Je vous jure. sûr, ça va être parfait, ça va être acoustique, certains diraient. Ce matin. A cappella. Al dente. On veut se lancer ses murs. Ça va bien ce matin. Il est pogné au plafond, il était vraiment bien cuit. Deux Québécois sur trois qui n'aiment pas Pauline Marois. Ben justement, là, Pauline Marois, il y a un grand mur qui divise la population. Est-ce que tu penses que le mur est. Est-ce que tu penses qu'elle peut atteindre les gens de l'autre côté du mur ou est-ce que tu penses que la Pauline Marois. Elle est dure à sortir. Est-ce qu'elle a une moline paroi entre les. Moline paroi. Parce que tu peux pénétrer de l'autre. Moline paroi. OK, alors la question. Okay, je te laisse encore 10 minutes. Merci. Mais, je la refais ou je la refais. Pas la même. Je l'ai travaillé celle-là, j'ai trouvé qu'elle avait du potentiel. Ouais, du potentiel. Oh, oui. Vers la poubelle. Pauline Marois vient de perdre l'opportunité d'avoir le monopole du calendrier électoral. Le monopoline. Bien rattrapé. Merci. Bien rattrapé. Enfin. Il n'y en aura plus d'autres. Non, c'est ça. Ils vont dire ça sur la moline parlementaire. Paroi menteur. Excuse-moi. Moline, paroi menteur. Paroi menteur. Paroi à terre. Paroi à terre, c'est pas pire ça. La paroi à terre. Moroi là-dessus. Moroi, je la trouve. On peut pas amener le sujet qu'on a mentionné, dont on discutait en onde, parce que c'est un petit peu trop touché. Est-ce qu'on peut le remplacer par le mot pipeau? Parce qu'évidemment, on parlait d'une autre chose qui commence par pi ou peu. Oui. Dans l'entre-genre. Hein? On va remplacer masculin. Par. Oui. Donc, imaginez-vous dans votre tête qu'on dit ce mot-là, mais à la place, on va dire pipeau. Donc, allons-y avec des chansons de Noël. Les amis, chorale, go! So the people outside is frightful. Next. Mon beau pipeau, roi des forêts. Petit pipeau Noël. Ça, c'est classique. Oh, mon Dieu. Ça finit bien. Les petites chansons de pénis... Excuse-moi, de pipeau. Pipeau. On n'a jamais dit pénis en nom. Jamais. Et le DG n'a jamais dit un sacre en nom non plus. Ouais. On va faire comme si de rien n'était avec ça. Hein? C'était le meilleur moment d'assemblage requis, ce qu'on appelle un instant classique. Et assemblage requis, c'est du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. On dirait à partir de 7h30. Il y avait beaucoup de bonheur, je trouve. Oui, il y avait beaucoup de bonnes choses. C'était chargé, mais depuis quelques semaines, je sais pas si c'est genre toi et Jean-Philippe et moi ensemble, ça fait une belle équipe. Je pensais que ça fait du bacon. Ça fait du bacon. Oui, du bacon. Et beaucoup de gras dans le fond du bacon wave qui va au micro-ondes. Beaucoup pour de gras, t'as rien à dire qu'on est comme un trio dodu graisseux. Trio dodu. Tu devrais avoir un restaurant qui offrirait ça, un trio dodu. Ah, je suis certaine que ça existe. Il n'y a pas quelque part aux États-Unis, non, qui a un espèce de burger qui s'appelle comme la crise cardiaque, le heart attack. Oh oui. Toujours rêvé de manger ça en gang. En gang. Peut-être à pas mourir tout seul. Toujours rêvé de la manger en gang. Qui ça? Je sais pas. OK. C'est une blague de mauvais goût. C'est ce qu'on fait, ça. Souvent. C'est ce qu'on trop. Fait. On transitionne subtilement vers un joli bloc qu'on appelle C'était fou. Sans intro, donc on va se l'imaginer. C'était fou. Comme un rêve. Nuage. Donc on retourne dans le passé pour aller entendre des pièces qui ont été des succès. Assez fou, mais des succès relatifs, comme toujours. Hein? Relatif. Tout est relatif. Tout est relatif. C'est comme du bacon à la dinde. C'est relativement comme du bacon, sauf que ça n'est pas pantoute. Non, mais là, pas relatif à ce point-là quand même. Ça goûte pas bon, du bacon de dinde. Je m'excuse. Non, ça goûte bon. Mais oui, pas quand t'as le goût de manger du bacon. C'est ça. Ça goûte bon, mais ça goûte pas le bacon. Et voilà. Voilà. Donc, tout ça pour dire, c'était fou. On retourne à la semaine du 10 au 16 octobre 2008 pour aller entendre la position numéro 1 anglophone qui était par The Great Outdoors et Summer in the City. Mais on va débuter en franco. Voici Le Monde dans le Feu. Et là, je vais citer un directeur général d'une station de radio universitaire. Voici Chris, que t'es belle. C'est drôle là-dedans quand même. Toujours même habillé, puis aller cogner à ta porte. jam. And when to get to refreshments, to a driver's seat to drinking, yeah. Blaring horns and accidents, late night walks and cigarettes, gasoline and barbecues, delighted by beer in the afternoon. Tuesday nights turn into Fridays, patios in college country, yeah. The hell with debts, the hell with all the consequence. Traveling feeling on Friday, August, June, and especially July, yeah. Mother Mother est la pièce de l'album Oh My Heart dans le bloc C'était Fou. C'est une pièce bonus. C'est la position numéro 11 anglophone de la semaine du 10 au 16 octobre 2008. Ça, c'était juste pour moi. J'ai choisi juste pour toi. J'ai regardé le palmarès. Je me suis dit laquelle que Stéphanie voudrait entendre, celle-là. Tellement. Alors, ça, on a entendu les deux numéro 1 de cette même semaine du 10 octobre 2008. En anglophone, c'était Summer in the City par The Great Outdoors sur l'album Summer. Et en francophone, c'était Chris, t'es pas belle. De la formation Le Monde dans le Feu sur leur album Sur le bord de l'absolument fantastique. Et oui, tantôt, j'avais dit Chris que t'es belle, mais je me mêle, tu sais. Chris, t'es pas belle, Chris que t'es belle. Ben, des fois, c'est proche, hein. C'est comme le génie proche de la folie. Mais la beauté, des fois, c'est proche de la laideur. Et la beauté dans l'œil de la personne qui regarde. T'es belle de loin, loin d'être belle. Toutes de belles phrases véritables. Véridiques et vérifiables. Vérifiables. Donc voilà pour C'était fou, semaine du 10 octobre 2008. On a retourné un petit peu en arrière. On a retourné en arrière. C'est bien dit. Donc voilà pour cette portion C'était fou. Et en même temps, ben, je crois malheureusement, à moins que je me trompe, là, si je me trompe, que Dieu me châtisse une bâtisse. Hein? Quoi? C'est la fin de la portion top 10 des palmarès. OK, tout ça pour ça. C'est pas chercher ma fin de... Eh bien, Dieu te lance des roches, mon cher. Ça me fait plaisir. Je suis là pour en prendre. J'ai le dos fait large, etc., etc. Puis, debadanop. Donc, on se retrouve soit dans quelques minutes pour les gens qui nous écoutent le jeudi et le dimanche. Sinon, demain pour les gens qui nous écoutent la semaine parce qu'on rejoue du lundi au mercredi entre 17h et 18h. Et voilà. À bientôt. Ciao, Beden. Ciao, bye, ciao. Bonjour et bienvenue à l'édition Top 5 des palmarès C'est fou pour la semaine du 14 au 20 octobre 2013. Moi, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Ben, enchanté. Moi, je trouve que c'est un beau nom. Moi, je trouve que tu fais bien ta job. Moi, quand j'étais petite, j'étais gênée parce que mon nom rimait. Stéphanie Paradis. J'aimais pas ça, j'étais gênée de le dire. Ouais. Ça aurait été quoi ton prénom, mettons, si t'avais pu te nommer toi-même? Oh, ça, c'est aucune idée. Moi non plus. Probablement Banane. Banane, j'avoue, hein? Princesse Banane, Princesse Consuela de la Banane. De la banane, de la banane. De la banane. Là, ça commencerait à rimer Consuela et Banane. Ah, oh, ben finalement... C'est un cercle vicieux, je suis voué à l'échec. Ah, ce maudit cercle, il est tellement vicieux. C'est vrai. Quand est-ce qu'on utilise l'expression vicieux autre que dans le cercle? Ben là, lâche-moi les boules, mon vicieux. Oh, OK. Sinon, passe-moi le tournevicieux, you know? Comme dans Passe-moi le tournevis, yeah. C'est comme un français qui dirait yo. Yeah. Yeah. Tu vois, je suis super fondant, yo. Yeah. You know, Madame Céline. D'accord. Ouais, c'est ça. J'abuse tellement l'expression You know what I'm saying de ces temps-ci. Je sais pas ce que j'ai. Position numéro 5 anglophone, c'est Braids et Fruend. Et là, ce n'est pas un accent prétentieux que je me donne, c'est vraiment le nom de la pièce. Fruend. Ok, c'est pas Friend. Fruend, you know, Friend, j'écoute l'émission Friends avec mes amis, Friends, potes, you know what I'm saying. Ça veut dire quoi, Friend? J'en ai aucune idée. Ok, et du côté francophone, c'est stable. C'est Gros Bock, des frères Goyette. Pas mal, c'est fou, édition top 5! Yeah! 1, 2, 3, 4, 5! 5! You know what I'm saying? C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Non, je suis pas baveux, je vise personne, sauf tous les Français. OK. Ben loin d'un Hollywood, on m'a entendu chanter mal. Mais tiens, au minimum, toujours été low profile. Au moins, essaye. Mets de côté mes gammes. J'y vais d'instinct sans jamais oser vouloir plaire aux dames. Jamais seul dans basse-cour, chante le jour pis dans la nuit. Quoi, mon coq, bombe le torse, prends du coffre. Puis chasse ma peur, lève mon col de blazer. Mets de la paillette, une belle grosse wave dans le toupette. Un bungalow dans Graceland. Femme d'Elvis. Memphis qui débarque, Memphis des coulisses. Un bon ego. 10, 15, 20, 30 livres de trop. Rentre fit dans sous en way. Bouge comme le king en way. Bouge. M'inspire ailleurs. Allez deux. Cash. J'en connais une coupe cash. Mon as, sème le doute. Mais le man dans le temps. Sans jamais me tenir au courant. Marche mes classiques. Fais la barbe aux jeunes dans le cirque. Concert chanceux à Londres, une bière en fût, ben loin de monde. Check one, two. Manque mon minute, moi de prendre moins de kick. J'suis pas le king d'en place, ma carrière là c'est une vraie farce. Ça manque d'écoute, ça jase en masse, ça se crisse de tout. Peur à mon meilleur, brûle les planches, une et une, tour à tour. Les geeks sont brunes, mais l'espoir d'en avoir une bonne me reste dans la tête, je garde espoir, me garde du fun. Et la pièce, le morceau Fluent, c'est la position numéro 5. Ça descend de 3 places, oui. Sur l'album Flourish Perish. Et du côté francophone, ça a fait des affronts. Moi, j'avais hâte que ce soit mon tour. Du côté francophone, c'est stable. Gros Buck. Non. Les Fragoyettes. Comment? Réveille-moi. Pauf! Pauf! T'es mort! Les cinquièmes places étaient très bonnes cette semaine, bien sûr. Et les quatrièmes le seront encore. Et graduellement, les troisièmes seront encore meilleurs. Les deuxièmes seront potentiellement encore plus meilleurs. Et finalement, les numéros un, c'est correct. Hein? Mais ça, c'est relatif, là. Oui, c'est toujours relatif. Hein? C'est comme le succès, assez fou, c'est relatif! Ben non, dis pas ça. Non. Est-ce que tu trouves que je suis un petit peu rabat-joie en disant que les succès qui sont dans mon cœur, les succès ne sont pas vraiment des succès pour les gens qui connaissent pas nécessairement ça parce qu'ils sont pas encore des auditeurs de C'est fou, mais qui vont le devenir? Mais c'est eux autres les pires, ils savent pas ce qui manque. C'est ça, dans le fond, tous les auditeurs de C'est fou sont évidemment tous parfaits, plus les uns que les autres. Et les non-auditeurs de C'est fou, donc c'est plate, mais comment tu dirais le contraire de C'est fou, mettons? C'est intelligent, non, ça serait l'air bizarre. Non, là, c'est sain d'esprit. C'est sain d'esprit. Oh, oh! On a quelque chose, un nouveau concept de pub. Prenez les notes. Donc, on est rendu aux positions numéro 4 du côté anglophone. C'est Random Recipe et Joy qui montent directement de la 20e place. Et ça monte de 8 places. C'est Les Coloriers d'Alex Nevsky. Au palmarès, c'est fou! Édition top 5. Dis-moi si j'ai tort, en lune, en année, étoile en mon corps, oublions nos vies, réécrivons l'histoire, il faut tout réinventer, il faut se réinventer, il faut se devenons libres, il suffit d'y croire, en rayant l'empire et brûlant les corps, il suffit de dire pour que s'effondre le dogme, il faut tout réinventer. Dream was 'cause I never could. magician with choking the lights. Finding umbrellas to rain on loss. It's pouring like whiskey on them all and ask for no reason to grasp and reason it out. Lost again, flooding the ends. Too many friends, one or two in the end. Empty bed filled with emptiness. Making love to the walls, forsaken hearts. Running, screaming, feet are stuck. Mouth is open, there's no sound at all. Nightmares repeating, try to wake up. Shaking your head till the boat stops. My hearts and you smart to invert lots. I'm a beater and password to hit behind. So you find birth, take your words are tight. I make you drip like a king with no crown. Instead of all is fine, but you're my hearts and you smart to invert lots. I'm a beater and password to hit behind. So you find birth, take your words are tight. I make you drip like a king with no joy. It's simply delayed, it will come one day. It's late, it's taking its time, maybe it's lost its way. Random Recipe et une pièce qui était nouvelle en train de se passer qui monte de 16 places, c'est Joy. Et ce côté francophone, ça a remonté. C'était les coloriers d'Alex Nevsky. Ah, oh, ça sort des lignes, ça rentre des lignes. Ça sort des... C'est comme quand tu fais du coloriage. Oui, mais avant la maternelle, moi, je coloriais très bien à la maternelle. Ben, j'imagine, t'es tellement un génie, une génie. Comment t'as oui, avec ça? Un... C'est ça? Et pas de T-A-L-E. C'est juste génie. Une géniesse. Une géniesse, voilà! Ah non, ça sonne beaucoup trop comme le féminin d'un animal, genre anesse ou... Une lyonnaise ou quelque chose comme ça. Mais lyonnaise, c'est cool. Lyonnaise. Je sais pas, non? Parce que c'est Lyon. Ouais, je sais. J'ai réalisé en le disant. Bon, on passe à autre chose. Avant d'aller aux troisième place, Panache et Fur Trade, ben, faut aller voir ce qui se passe ailleurs! Ailleurs où? Dans les palmarès. OK. Évidemment, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus qu'un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Arrête donc, t'es sérieux? Tout ça et plus. On y va là? Ouais, allons-y. Ben moi, je pense qu'on va commencer avec le top 30 des albums. Il y a deux nouvelles entrées. En 30e place, c'est The Albertans et de l'album Dangerous Anything. Et en 18e place, Okkervil River avec l'album de Silver Gymnasium. Mmh. Et ensuite, le top 3 en troisième place, c'est Fur Trade et l'album Don't Get Heavy. Ça a monté de 9 places. Ensuite, en deuxième position, c'est Dare Tick et l'album Negativity. Et finalement, en première place, c'est stable, c'est Rinal Canu et l'album Today We're Believers. Rinal Canu, évidemment, un des grands clients du canoë, le bar à Trois-Rivières. Non, Rinal de Canouille. Rinal Canouille. Bon, OK. Finalement, le top 3 des 10 canadiens en troisième place a monté de 17. C'est Random Recipe, l'album Kill the Hook. En deuxième place, ça monte de 10. C'est Fur Trade et Don't Get Heavy. Et finalement, première place, c'est encore stable, c'est Rénal de Quenouille et l'album Today We Believers. Dans le top 10 loud, il y a deux nouvelles entrées. En sixième place, Skeleton Witch avec Serpents Unleashed. En troisième place, ben, la nouvelle entrée, autre, est dans le top 3, donc je la saute pour l'instant. En troisième, c'est Revocation avec l'album Revocation. En deuxième, c'est l'autre nouvelle entrée, Death Angel et The Dream Calls for Blood. Et en première, c'est stable, Carcass et Surgical Steel. Dans le top 5 des musiques du monde maintenant, il y a une seule nouvelle entrée, elle est en cinquième place, c'est Towards Silence avec Azam Ali et Loga R. Tarkian. Ça me donne l'impression que c'est le nom de l'artiste, par contre, Azam Ali et Loga R. Tarkian, d'après moi. Et je sais pas, on s'en fout. Top 3, mais ben, ça donne l'impression que c'est inversé. En troisième place, ça monte de 2, Caprichos de España. Et l'album, non, là, c'est clairement l'artiste. Stefano Balani et Hamilton de Hollanda. Quand t'as deux personnes dans chaque affaire, d'après moi, c'est les artistes. Mais bon, peut-être que je me trompe. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Imanin Mabazizoun. Et j'imagine l'artiste Tammy Crest. Et en première place, ça monte de 1, c'est Cabalistic Snare de, j'imagine, l'artiste Anachronic Electro Orchestra. Voilà qui est ça. Et voilà. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il y a de bord, mais bon. C'est pas grave, googlez ça, puis vous allez savoir. C'est ça, dans le fond, on vous dira plus ce qu'il y a dans les palmarès. Allez sur cifou.ca. Pourquoi on anime... Pourquoi, dans le fond? La radio, ça sert à quoi? Allez acheter des albums. Les journaux, la radio, des médias du passé. Numéro 2. 3. Du côté anglophone, c'est Fairtrade et Don't Get Heavy qui monte de 9 places. Et du côté francophone, c'est l'ancien numéro 1. Donc, ça a descendu de 2 places. Petit calcul facile. Et c'est Petit Pain de Panache. Miam, un petit pain. Aux bananes. Bon banane et noix. Oui. Banana hammock. Princesse Consuela Banana. On l'a dit tantôt. Oui, c'est ça. C'est un callback. Pas un bon callback, par contre. On revient. Je ne ferai pas le camp d'entraînement. Je n'y serai même pas évidemment. Pas de médaille du gouverneur général, c'est congé. Je n'y Fur Trade. La pièce Don't Get Heavy. Deviens pas trop grosse. Et du côté francophone, c'était l'ancien numéro 1. C'était Petit Pain de Panache. Ça me fait plaisir de traduire ça en Deviens pas trop grosse. Don't Get Heavy. Ça me fait rire, mais c'est juste moi. Donc voilà pour les positions numéro 3. On va passer au numéro 2 dans quelques instants, j'imagine. Ben, logiquement. Si tout va bien. Si on continue dans le même sens. Ben, ou que tout d'un coup, on pourrait y aller au hasard. Ben, peut-être qu'on fera ça après le numéro 1 ou avant le numéro 1. C'est ce qu'on fait d'habitude. Avant le numéro 1, on revient en arrière. Pièce bonus, pièce qu'on n'a pas joué dans les précédentes éditions. Pour vous gâter. Ben, on est fin de même. On ne va pas trop vous en enlever, là. Ben, non, ben non. Sauf les vêtements, bien sûr. Hein, ouais. Ben oui, c'est connu qu'on va enlever les vêtements de nos auditeurs. Ben, un peu comme quelqu'un qui irait à une entrevue pourrait imaginer la personne qui le reçoit en entrevue tout nu. C'est un conseil qu'on voit quand même fréquemment. Hein, quand même. Donc nous, vu qu'on est stressé en émission, on va imaginer notre public, notre auditoire au complet, tout nu. Au complet? Ben, on voit pas grand-chose parce qu'on les voit de loin, parce qu'ils sont nombreux, évidemment, nos auditeurs. Moi, je préférais choisir une personne... précise dans, ouais, dans le groupe. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que finalement, je fais juste penser à plein de pénis pendant que je coanime. Évidemment, on pense à toi, cher auditeur, qui en ce moment nous écoute et se sent visé un peu. Le chapeau lui fait ou le. Mais le slip. Voyons donc, je pense juste à mon chum. Ben oui, mais voyons donc. Gang de naïfs. Ah, oh, ça se peut-tu, hein, penser de même. À numéro 2, anglophone, ça monte de 9 places, c'est The Dreams in the Ditch. Notre rêve est dans le ditch. Ditch étant évidemment le rêve foncé. Dans le ditch. Dans le ditch. S'il te plaît, ne fais pas des blagues de dèche à la radio, c'est pas approprié. J'ai jamais fait ça. Et c'est là que le fond arrête pour créer un malaise. C'est la formation Deotic. Et du côté francophone, ça a monté de 17 places. C'est Armée de Montgolfière. Oui. De Jason Bayarda. Pachada! Dreams in the Dash. T'es pas classe, pas en tout comme blague, ça. C'est toi qui l'as fait, je là. Sais bien, okay. Je suis déçu de moi-même. Le soleil sur le point d'éclat est une éponge suppliant qu'on le sort. Nous maquillons les morsures d'hier. Nos parachutes nous suivent derrière et traînent nos armes qui ne servent plus à rien. Gonflons nos têtes pleines de terre comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut, peu importe ce que raconte la météo. L'aurore porte conseil malgré une mise en sommeil. Nous sommes prêts pour le concert qui guérira nos cancers. Nos yeux franchissent l'horizon, qu'importe l'angle vers lequel nous penchons. Nous ne buvons pas ce qui étanche. Nous sommes coureurs de courte distance. Nous sommes coureurs de courte distance. Gonflons nos têtes pleines de terre comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut, peu importe ce que raconte la météo. Gonflons nos têtes pleines de terre comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut, peu importe ce que raconte la météo. Leur amour te conseille malgré une mise en sommeil. Nous sommes prêts pour le concert qui guérira nos cancers. Qui guérira nos cancers. Nous sommes prêts pour le concert qui guérira nos cancers. Qui guérira nos cancers. Neuf, un. De Ouais, excuse-moi, je sais parce que je suis en train d'enlever le mauvais CD de dans le lecteur, puis je veux pas que ça apparaisse lors des différentes diffusions, tu comprends-tu? Ça paraît comme... pas! Ça paraît pas partout, hein? Hein? Comment? De quoi, ça? Ça paraît pas! Mais qu'est-ce qui paraît pas, Steph? Rien! OK! C'était super naturel! Houblon! Dreams in the Ditch par Dear Tick, ça monte de 9 places en deuxième anglophone. Et du côté francophone, c'était Armée de Montgolfière de Jason Bryada. Toute une armée, c'est pas fait fort une armée de Montgolfière par contre. Mais ça dépend, ça, je veux dire, ça peut quand même s'enfuir dans les airs. Oui. Tu peux, admettons que t'es armé de flèches, tu peux tirer sur les gens au sol. Ouais. Mais si les gens au sol ont des flèches, ils peuvent te descendre. C'est ça. Et c'est tout le temps chaud, une Montgolfière. Ça veut rien dire. C'est tout le temps chaud? Tout en train, ça va en zigzag. C'est un peu comme quand il est tout le temps chaud. L'air chaud, tu sais. Mais aussi tout le temps chaud comme dans il a bu. Ça s'en allait nulle part. C'est un peu la tradition hein, qui consiste. Bref, si t'allais en guerre, tu prendrais pas la montgolfière? Non. Qu'est-ce que tu prendrais? Ouais, c'est une bonne question. Je prendrais quelqu'un de très très modeste, donc le contraire de fier, et quelqu'un de très très intelligent, donc là, le contraire de. Ouais, non. De mongol. C'est un peu plate. C'est pas une. Non. Pas de bonne blague. Moi, probablement, j'irais avec un Transformers. OK. Ou, tu sais, les... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si tu as vu le film Pacific Rim. Non. C'est des gros robots qui tuent. C'est intéressant. Non, ça a l'air bon comme film. Par contre, c'est plus vrai que vrai. Comme dirait la huître, ça a l'air vrai. La lime. La lime. Ça, j'allais dire. Donc, avant de passer au numéro 1, c'est-à-dire Summerland et Royal Canoe, ou Rénal Canoë, comme on l'a appelé tantôt. Hein? On va reculer un petit peu en arrière. Aller entendre des pièces. Viens-tu te vendre les punch? Oh, wow! Oui! Aïe, c'est vraiment rare que ça arrive. Là. J'espère en tout cas que votre radio a sauté comme les 10 dans votre auto. Là. Mais restez là parce que tantôt, on va faire des jeux de mots, c'est numéro 1. Fait que dorénavant, vous allez comme plus rien comprendre. Parce que tu sais que ça mine les jeux de mots, finalement, tu comprends plus c'est quoi les numéros 1 de toute façon. Donc, t'sais. Vous allez douter de vous-même. Et voilà, ça va être complètement mensonger, vous allez voir. Donc, on va reculer un petit peu en arrière pour entendre quelques pièces qu'on a sautées précédemment dans les palmarès, c'est-à-dire les 17, 18 et 19 francophones. Plus tard, il y aura La Question et Michel O. Mais on commence en 19e avec Femme de la couleur. Sur C'est fou, 89 FM. Top 5, c'est le top 5. Qui sera numéro 1? Restez des nous pour... Restez des nous. Restez dans nous pour le savoir. Parce que restez des nôtres pour le savoir. La réponse est écrite dans mes intestins. Donc, ah! L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès C'est fou. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher. car je mettrai ses bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Tu mens tellement que c'est plus fort que toi. Et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois être un homme. Mais toi, dans la vie, tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont faites pour marcher, mais tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. C'est bientôt le moment C'est un peu long. Non. Ah non, c'est fini. C'est fini. Ah, on vient d'entendre La Question et Une année de travail qui descend en 17e position anglophone. Et tout juste avant, en 18e, c'était Ces bottes sont faites pour marcher de Michello. Et en 19e, c'était Femme de Le Couleur. Mm-hmm. Maintenant, ben, c'est les numéros 1 qui s'en viennent juste là. Et numéro 1 veut dire jeu de mots poche. À ce que je sache, à moins que ça ait changé depuis. Hein. Depuis quand? Non, jamais. Non? Mais c'est pas comme la météo où des fois tu fais des bons jeux de mots, des fois tu fais pas des bons jeux de mots, des fois il pleut, des fois il vente. Mais de toute façon, t'essaierais de pas faire des jeux de mots poche, juste de faire des jeux de mots, mais ça marcherait probablement pas, fait que t'es mieux de rester poche. C'est inévitable, c'est comme les saisons se suivent, tu sais, un peu comme, tu sais, mettons, tu vas voir, c'est quoi dans l'ordre, mettons, t'irais avec peut-être l'été. Ouais. Mettons, après ça, l'automne. Non. C'est juste l'été qui existe. S'il vous plaît. Non, au Québec, c'est été, s'il ensuite vous... début de l'hiver, hiver et suite de l'hiver. Attends, je pense que t'as le tu sais la saison, ce que tout est trempe là. le printemps. Pis, non, ah, ok, mais il y a l'automne aussi. Oui. Ok, fait que finalement t'as trempe, fret, trempe, maringouin. C'est ça. Trempe. Yeah. Donc, et du côté anglophone, parce que là, j'ai fait des jeux de mots sans vraiment que vous le remarquiez. Là. Je suis comme un ninja, un petit peu comme ça. Je suis comme un ninja, mais plus blanc. Plus propre. Comment ça, plus blanc? Ben parce que Ninja, c'est noir. Et c'est sale, noir, hein? Hein? Non? C'est raciste un peu comme commentaire. Je retire mes paroles. Attention. Ah, c'était vraiment pas voulu. Mais disons, ceux qui baignent dans leur propre saleté, d'accord? Ouais. Là, on a changé complètement de sujet. Ça n'a rien à voir avec les personnes avec la peau foncée. Ni les ninjas. Même les ninjas, ne vous sentez pas offusqués, s'il vous plaît. On veut pas de lettre de ninja. Quoi qu'une lettre de ninja, c'est comme une feuille blanche parce que c'est tellement furtif que ça écrit rien. Tu vois pas le texte qui est écrit. Ouais. Non, tu fais juste comme mourir. Mais tu te demandes pas ce qui s'est passé. T'es juste mort. T'es mort par paper cut, mais tu t'en es pas rendu compte. Donc, pour en revenir au bain, tremper dans sa propre saleté. OK, on parlait de bain. Ben, v'là un bout, là. Ah ben, ouin. Ou un bain, mettons que tu allais dans l'eau, OK, et que tu ramais avec ton propre bain, OK? Tu rames dans un bain. Imagine-toi l'image d'un ninja en train de se baigner. Bon, tu le vois pas. Je pensais qu'il y avait plus de ninja. Ah, c'est vrai, il y a plus de ninja, excuse-moi. OK, donc t'es une personne de race multiple et de vêtements, peu importe, et t'es dans ton bain et tu rames et en plus, tu portes une couronne comme le gars de chez Burger King dans le temps, le roi du burger, OK? Il rame dans son bain, dans l'eau. C'est mon jeu de mots pour l'anglophone. Voilà. Ça pourrait être un pingouin? Ça pourrait être un pingouin. Mais un pingouin, c'est comme à moitié noir et à moitié... C'est comme toutes les races ensemble, un pingouin. Oui, le bec est jaune. Oui. Le chest est blanc. Vrai. J'imagine que le reste est noir. Les fesses sont sûrement rouges pour représenter... Non, non, c'est le babouin. Ah, c'est vrai. T'as... Alors, le babouin, ça... Ça m'écœure un babouin. Donc, bon, on va prendre mon babouin, tu sais, ton babin. Ton babin, babeur. C'est comme le babeur. Le babouin et le babeur, okay. Ça va-tu ensemble? Ça suffit. Je suis comme sur le mode jeu de mots, fait que je suis plus capable d'arrêter. Mathieu. Oh, okay. C'est assez. Donc, les numéros 1 cette semaine, on s'en va entendre du côté anglophone. C'est Stable et c'est Bathtubs de Ray Al Canoe. Bathtubs, comme dans un bain. Voilà. Mais tout juste avant, du côté francophone, ça a monté de 7 places et c'est Coup de vent de Summerland. Ça, c'était le jeu de mots d'été. Oui. Soit dit en passant. Voilà. première position. Flavor of the mind flows. It's gonna get much wider. C'est bon, c'est bon. Ça. C'est peur, hein, ça? Non, mais j'aime ça, chanson-là. C'était les excellentes positions numéro 1 de cette semaine du 14 au 20 octobre 2013. Du côté anglophone, on vient tout juste d'entendre Royal Canoe et leur malade chanson Bad Tubs, qui a pris seulement 3 semaines pour se rendre au sommet. Et du côté francophone, on a entendu Coup de vent de Summerland et sa montée de 7 places. Ça fait 7 semaines que c'est là. C'est du vent. Non, mais coup de vent, ça, c'est juste comme fou. C'est fini. Fou. Flou. Donc voilà pour les palmarès de C'est fou pour cette semaine. C'était fantastique. On a passé un bon moment ensemble. On se retrouve la semaine prochaine. On est en direct les jeudis entre 15h et 18h. On rappelle les dimanches entre midi et 15h. Et tous les jours, du lundi au mercredi, entre... c'est pas vraiment tous les jours, ça, 3 sur 7, hein, c'est quand même pas à moitié. Lundi au mercredi, entre 17h et 18h pour les palmarès C'est fou. Édition New Shit le lundi, top 10 le mardi, top 5 le mercredi. On se retrouve aussi à Assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Trop de choses à retenir, allez voir cifou.ca. Et voilà. Hey, merci Steph. Ben, merci Mathieu. C'est le fun. Toujours. Toujours. Ce qu'on appelle l'émission Rénal Quenouille. Je pense que oui. Oh oui. Call back. À la semaine prochaine, Steph. Bye. Bye.